Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Les archéologues sont généralement peu enclins à parler à la radio. Et pourtant, j'ai reçu voici peu ce message. Venant d'écouter ce soir le Salon Noir consacré aux fouilles d'Arles et aux belles peintures pompéiennes mises au jour, j'ai pensé que les fouilles en cours menées à Martigues pouvaient apparaître comme un contrepoint très intéressant aux découvertes arlésiennes. Si Arles est une ville-musée, que sait-on de Martigues ? À y regarder de plus près, je me suis aperçu que c'était une ville qui émergeait sous la truelle de mon interlocuteur, et non pas n'importe laquelle. Maritima Avaticorum, cité lacustre sur la Méditerranée. Pour tout savoir sur cette découverte, toujours gauloise, déjà romaine, Jean Chausserie-Lapré, bonjour. Conservateur en chef du patrimoine, je sais que vous aviez déjà fouillé une extraordinaire cité gauloise rivalisant avec la Marseille grecque. Certains archéologues appellent cela le jaune. Le jaune, c'est-à-dire l'or. Or de l'or, vous en avez trouvé un exceptionnel trésor daté du Triumvirat, c'est-à-dire entre César et l'avènement d'Auguste, en 27 avant notre ère. Pour en parler, Arnaud Suspens, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire antique à l'Université d'Orléans et œuvrez au centre Ernest Bablon de l'IRAMAT. Jean Chausserie-Lapré, la chance existe-t-elle en archéologie ? Eh bien écoutez, on pourrait le croire en faisant un petit retour en arrière sur les fouilles martégales, puisque ce trésor-là qui nous vaut en partie d'être ici, c'est le quatrième qu'on trouve à Martigues, le second en or après un splendide trésor médiéval qui avait été à l'origine de fouilles extrêmement importantes de cet habitat gaulois dont on va peut-être parler. Deux trésors d'obol en argent également dans ce village gaulois de l'île de Martigues. Mais pour moi, pour l'archéologue que je suis, le véritable trésor, c'est plutôt l'écrin dans lequel nous avons trouvé ces pièces, c'est-à-dire ces maisons, ces rues, cet ensemble urbain ou proto-urbain qui se dessine sur les bords de l'étang de Berre. Et qui date du 1er, 2e siècle de notre ère, c'est à peu près ça ? Eh bien écoutez, là on est vraiment dans la continuité des habitats gaulois détruits vers 125 avant Jésus-Christ, comme beaucoup de sites en Provence. Cette nouvelle cité, Maritima Vaticorum, que l'on a longtemps cherché un peu partout sur les rives de l'étang et sur le pourtour du golfe de Fos. On pense l'avoir découvert grâce à des similitudes très fortes, justement, entre ce nouvel habitat qui s'installe au tout début du 1er siècle avant notre ère, peut-être une génération après la destruction fatale des villages gaulois, qui s'installe donc entre le 1er siècle avant et que l'on suit pendant pratiquement 4 ou 5 siècles sur les rives de ce vaste étang. Jean Chausserie-Lapré, la chance vous l'aviez déjà eue avec la découverte du site de l'île de Martigues, une découverte très très originale et qui fait toujours date. Absolument, et on en est content de voir que c'est une référence pour le Midi de la Gaule, pour les Gaulois du Midi, comme dit Michel Pi, pour les Gaulois qui ont l'accent, dans la mesure où nous avons pu mettre en évidence des caractéristiques très méditerranéennes de cet habitat en pierre, très resserré, fortifié, mais qui se caractérise surtout par une architecture de terre, une architecture méditerranéenne, et qui a eu la chance, si l'on peut dire, d'être détruite à plusieurs reprises, violemment, et de nous offrir des regards quasi photographiques, de nous permettre des regards photographiques, ethnographiques sur les modes de vie, sur l'habitat, sur le quotidien de ces Gaulois qui, on le sait, n'ont pas laissé de texte. J'ai souvenir que l'habitat était extrêmement resserré et les gens vivaient presque les uns sur les autres. Absolument, on est sur une petite agglomération de 4000 m² qui s'étend à un peu plus d'un hectare au deuxième siècle. Et là, on a avec cette nouvelle découverte, on a une extension nouvelle à l'époque gallo-romaine, mais dans les mêmes principes de structuration, un urbanisme très très resserré où toutes les maisons se ressemblent, les rues sont à peine plus larges que des venelles, mais tout de même avec un certain nombre d'innovations propres à l'époque gallo-romaine. Et donc, on est vraiment très, très loin à l'époque gallo-romaine, comme on était loin déjà à l'époque pré-romaine des cités plus importantes comme Entremont ou Saint-Blaise. On est très loin des cités avec leurs monuments publics, leurs édifices de spectacle, comme Arles, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors justement, cette ville gauloise, cette agglomération gauloise, elle aurait été détruite par les Grecs ? L'agglomération gauloise de l'île de Martigues a subi effectivement des assauts violents, militaires, guerriers de la part des Grecs, probablement, puisqu'on a retrouvé de l'armement grec pour une période du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais la fin définitive de cette agglomération de l'île de Martigues, dont on ignore d'ailleurs le nom, elle est due aux Romains. Vous le savez, à la fin du 2e siècle, Marseille était littéralement oppressée par toutes ces tribus gauloises confédérées en Saliens, et elle a fait appel à son allié ancestral, Rome, pour venir conquérir cette partie de la Gaule qu'on appelait ensuite la Narbonnaise. Donc une destruction à la fois gréco et gréco-romaine, on peut dire. Donc pas conquise en moins 52, mais conquise bien avant, en 125, 129 ? Absolument, 125, 123 avant Jésus-Christ. C'est l'anéantissement de toutes ces cités proto-historiques de grande importance comme Saint-Blaise, comme Entremont, ou d'importance plus modeste, en tout cas en superficie, comme l'île de Martigues, qui tenait un verrou stratégique, un verrou économique très important à travers le point de passage entre l'étang de Berre, la plus grande lagune d'eau saumâtre d'Europe occidentale, et le golfe de Fos, qui est la porte ouverte d'une part sur Marseille, d'autre part sur le Rhône et la Gaule interne. Et si cette agglomération nous est parvenue, on peut imaginer, c'est justement parce qu'elle a été incendiée ? Alors, effectivement, de la même façon que l'archéologie s'est fondée un petit peu sur les ruines de Pompéi, on peut dire que l'archéologie proto-historique dans le Midi est assise sur ces destructions, la connaissance qu'ont apporté ces destructions violentes qui ont été suivies de reconstructions sans retour au sol initial. Et c'est véritablement la chance de cet habitat et de quelques autres, peut-être moins connu, de nous livrer justement un regard que ne nous permet pas les textes absents et que ne nous permet pas non plus la plupart, dans la plupart des cas, les vestiges des autres sites qui sont délaissés de manière, disons, plus moins brutale. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a un peu tout dit sur les Grecs, même jusqu'à qu'ils étaient pacifistes et voire pacifiques. Les conflits entre Grecs et Gaulois étaient donc bien plus fréquents que nous pouvions l'imaginer. Oui, c'est le cas. Après, les textes nous manquent et ils sont aussi écrits du côté des vainqueurs. Donc c'est quelque chose comme cela sera le cas avec César. Et donc le regard que l'on peut avoir donc de ces sociétés colonisatrices sur le monde indigène, sur le monde barbare, est relativement biaisé. Et il nous faut l'apport des fouilles archéologiques, l'apport des archives du sol pour essayer de remettre les choses en place. Et pour nous montrer que ces sociétés indigènes, barbares, sauvages, entre guillemets, avaient développé en leur sein déjà des techniques tout à fait nouvelles, empreintes le plus souvent, c'est vrai, auprès du monde gréco-romain. Jean Chaussel, après, aujourd'hui, c'est une autre cité que vous venez de mettre au jour, romaine cette fois-ci. Succède-t-elle directement à la ville gauloise de l'île de Martigues ? Là, on s'en approche. On est sur le terrain encore ces jours-ci. Nous sommes sur le socle de cette ville. Et plus on creuse, plus on se rapproche de ce terminus de 125 avant Jésus-Christ. Il nous manque peut-être encore une génération, la génération qui a permis de s'installer, de multiplier par 3 ou 4 la superficie autrefois occupée par l'île de Martigues. On se déplace d'un kilomètre et demi en un lieu où il y a de l'eau en très grande abondance, donc des caractéristiques propres à la société gallo-romaine. Mais effectivement, on sent dans cet habitat, à travers l'architecture, mais même à travers l'écriture, puisque on le sait trop peu, mais c'est dans notre région, dans l'arrière-pays marseillais, que pour la première fois apparaît l'écriture qu'on appelait auparavant gallo-grec, une écriture proprement celtique. Et nous avons eu la chance, là, très récemment, de découvrir sur cette nouvelle cité de Maritima deux inscriptions gauloises qui portaient le nom d'un Gaulois, d'un Celte, ou Hébro, se trouve être identique à deux autres inscriptions trouvées plus anciennement, non pas dans l'île, mais sur la grande cité voisine, Saint-Blaise, qui est également à l'origine de cette nouvelle population. Donc une filiation directe directe qui se ressent donc dans l'onomastique, mais aussi dans l'architecture, dans les manières de vivre, en particulier des caractéristiques très très rare, qui avait un peu défrayé la chronique, le fait que dans ces cités gauloises, les habitants faisaient le feu dans la rue. Et là, en pleine époque romaine, en plein premier et deuxième siècle après Jésus-Christ, on a encore cette empreinte, cet héritage proto-historique qui persiste au sein même de maisons et d'un habitat où, par ailleurs, on a des richesses assez incroyables. Donc on est encore sur une sorte de population gauloise. Ça ne fait strictement aucun doute. Cette ville, elle est née d'une volonté politique ? Alors ça, c'est une question pour laquelle on a un peu de mal à répondre à cette question. Elle a plusieurs statuts, en tout cas à travers les quelques textes connus que nous ont transmis Pline, Ptolémée, Pomponius Mela. Chacun la désigne d'une manière différente, tantôt polis, tantôt colonia, tantôt oppidum. Les meilleurs spécialistes pensent qu'on a affaire à une petite cité, ce qu'on appelle un vicus, une agglomération secondaire, qui serait donc passée dans le giron de la cité d'Arles, justement au moment de la fondation arlésienne, et César ayant donc attribué à Arles tout ce territoire littoral, en particulier celui qui s'étend autour de l'étang de Berre, Marseille ne conservant que son immédiat arrière-pays comme territoire de cité. En tout cas, si Pline en parle, c'est que Maritima avait quand même une certaine importance. Absolument, une importance qui tient essentiellement donc à la proximité arlésienne et à cette localisation tout à fait remarquable, puisque, je le rappelle, l'étang de Berre, le chenal de Caronte, le golfe de Fos, un des plus grands ports de la Méditerranée, sont là et vont distribuer leurs richesses dans tout ce secteur très anciennement occupé, depuis la préhistoire, pas la plus ancienne, mais depuis le néolithique ancien. Désormais, sous un lycée, le plan de la cité serait très visible avec ses rues, ses bâtiments. Absolument. On a quelque chose d'assez incroyable de voir le réfectoire de ce lycée construit dans les années 60 qui a occasionné de grandes pertes à cette cité ancienne. On pense que pratiquement la moitié de la ville a été détruite à l'époque. Mais parmi ces nouveaux bâtiments construits en 60, la cantine repose littéralement en suspension sur les ruines de la ville antique. Arnaud Suspen, vous l'avez vu, cette ville ? Oui, j'ai eu la chance de m'y rendre cet été et d'admirer effectivement le travail des archéologues. La ville se voit de manière tout à fait remarquable sous le beau ciel de Martigues. Jean-Chaussée Laprieur, même des traces de charrettes ? Alors on a des voies, hein, on passe du village à la ville, hein, en passant de l'habitat gaulois de Lille à Maritima Vaticorum. On a des améliorations que sont le véritable quadrillage vière que l'on observe, c'est-à-dire avec trois ou quatre quarts d'eau, dont un quart d'eau maximus très nettement empierré. Très récemment, ces jours-ci, la découverte d'un décumanus principal, donc avec des traces d'ornières, une visibilité, une lisibilité de ce passage qui est propre effectivement à l'époque romaine. Décumanus, c'est l'axe est-ouest, hein, c'est bien ça. En tout cas, on connaît la monumentalité des villes romaines. Est-ce le cas dans la Martigues antique ? Alors écoutez, pour l'instant, on connaît à peu près la moitié de cette ville, la moitié sud. Une partie est dans l'eau. Protégé par un quai, donc un système portuaire peut-être effectivement de caractère public, une petite partie résidentielle au bord de l'étang, une partie centrale moins bien connue, mais qui recèle peut-être effectivement un ou deux bâtiments plus importants, à caractère public, pourvu d'un portique ou de plusieurs portiques. Et puis, ce que l'on connaît le mieux, finalement, c'est le retour à cette société traditionnelle, artisanale, domestique, dans la partie ouest, avec tout ce quartier qui se développe sur plusieurs îlots, où là, on a l'impression, deux siècles après, d'être encore en plein âge du fer. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean Chausserey Lapraie, né six siècles auparavant, la tradition celtique perdurerait dans ce monde romanisé. Comment expliquez-vous cette longévité ? Écoutez, c'est tout à fait propre à cette région. On est au tout début, dès 600 avant Jésus-Christ, on a sur la côte martégale des sites comme Tamaris, comme Larquet, à l'intérieur des terres, l'oppidum de Saint-Pierre, un peu plus loin au bord des étangs Saint-Blaise, l'île de Martigues, le Castellan à Istres, tout autour de l'étang, des dizaines de sites gaulois qui ont vraiment marqué leur poids justement au-delà de la période d'extinction de cette société structurée. Et c'est la particularité de ce site de se différencier de nouvelles cités où les apports étrangers sont plus importants. Je pense à Aix-en-Provence, je pense à Arles naturellement, à Nîmes. Et là, on est dans un secteur peut-être un petit peu à l'écart où cette identité celtique a pu perdurer, comme je l'ai dit. C'est un cas un peu atypique. Des plans de ce type à l'époque gallo-romaine sont tout à fait inédits et c'est ce qui en fait l'intérêt assez, assez unique. En tout cas, le mobilier est bien romain. Alors, le mobilier, il est romain, par plein d'aspects. Il est aussi, par quelques aspects, assez profondément indigène. On persiste pendant très longtemps, pendant un bon siècle, la céramique non tournée en particulier. On retrouve ce substrat indigène à travers, non pas le mobilier, mais les restes domestiques, à travers les céréales, à travers les ossements de poissons, à travers les coquillages, à travers des pratiques alimentaires, la structuration des foyers qui est elle aussi très indigène. Mais c'est vrai, le mobilier, et ça c'est une chance énorme pour nous, par sa capacité à dater les sites, ce mobilier antique est effectivement essentiellement romain, mais il vient aussi d'Afrique du Nord, il vient aussi d'Espagne, il vient un petit peu du monde celtique aussi. Où et dans quelles conditions a été trouvé l'exceptionnel trésor? La circonstance de sa dispersion semble très mystérieuse encore. C'est un fait. On n'y croyait pas d'abord quand on a commencé à trouver la première pièce, puis les suivantes. Une découverte échelonnée sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Elles ont été non pas accumulées dans un dépôt fermé, dans une tirelire ou dans un sac, mais visiblement dispersées volontairement dans le remblai d'installation d'une de ces pièces très simples, pièces de terre battue, donc sous ce premier sol. À même le rocher, à certains endroits, nous avons retrouvé donc une cinquantaine de pièces. Il en manque beaucoup, malheureusement, puisque visiblement ce dépôt a été en partie bouleversé au moment de la construction du lycée, puisqu'une tranchée traverse l'espace où l'on a découvert ces monnaies. Et ces monnaies avaient une particularité apparemment assez unique, c'est que beaucoup d'entre elles, sinon pratiquement toutes, portaient des atteintes volontaires avant leur mise en terre. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons la découverte de l'antique Maritima à Vaticorum sur les rives de l'étang de Berre avec Jean Chausseret-Lapré, conservateur et fouilleur de cette cité, Arnaud Suspen, professeur d'histoire antique à l'Université d'Orléans. Arnaud Suspen, les monnaies auraient été symboliquement sacrifiées pour vous ? Ah, pour expliquer les raisons de leur état, ça sera très difficile. Ce qui est sûr, c'est que cet état suscite beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, parce que les monnaies ont visiblement été, comme le disait M. Chausseret-Lapré, volontairement abîmées, probablement peu de temps avant leur enfouissement. Les raisons nous échappent pour l'instant, c'est quelque chose qui est sans exemple, surtout pour des monnayages en métal précieux. Ça se voit sur les monnayages en métal vil, qui n'ont pas une grande valeur. Pour le métal précieux, c'est rarissime. Elles ont été pliées, cassées, coupées, martelées. Alors les dégradations ont été visiblement le fait de l'emploi de plusieurs outils différents. Elles ont été piquetées, grêlées de coups. Certaines sont pratiquement illisibles. Il y en a une ou deux qu'on n'a pas réussi à identifier. Certaines sont pliées, ce qui nécessite une véritable volonté, une certaine méthode, parce qu'elles sont pliées de manière parfaite. C'est-à-dire que la face interne, celle qui est, sur laquelle la pièce est repliée, est totalement invisible. On ne voit que la face externe, et la pièce a tout de même été piquetée avant. Donc il y a véritablement une démarche, là, une volonté de dégrader ces monnaies. Est-ce que l'on peut parler d'un dépôt votif ? On n'en sait rien, je ne sais pas trop, c'est toujours le danger quand on parle de ce genre de phénomène, on a toujours envie de parler de religion, c'est possible, ce n'est pas à exclure, j'aimerais mieux pour qu'on puisse dire cela, qu'on ait un contexte culturel bien identifié. Jean-Joseph Lapin. Alors effectivement, comme le dit Arnaud Suspen, c'est assez difficile de s'engager dans ce jusque-là. Toujours est-il qu'on peut le mettre, ce dépôt, on peut le mettre en relation avec d'autres pratiques qui ont un caractère, quant à eux, rituel plus indiscutable, comme des dépôts de vases dans le sol, donc dans les mêmes contextes, petits dépôts d'ossements animaux également, et pas plus tard que en début de semaine, nous avons découvert un alignement d'amphores creusés installés dans le rocher. de col d'amphore, donc qui font penser à des pratiques libatoires que l'on a déjà retrouvées dans les sites gaulois de Lille et de Saint-Pierre. Donc il y a tout un contexte effectivement assez assez rituel. Après, le caractère vraiment exceptionnel d'un dépôt de monnaie qui ont une très grande valeur est vraiment un peu atypique par rapport à ces autres petits rites de fondation qui restaient toujours modestes. On pourrait y voir une tradition gauloise avec des monnaies romaines, par exemple. En tout cas, les trésors en or sont rares, ceux en milieu archéologique encore bien plus. Oh oui, c'est rarissime. On n'avait pas de trésor d'or pour cette période, la période triumvirale. On en a un qui fait juste la suite, qui a été découvert à Angers. Mais là, c'est véritablement un ensemble unique. Et c'est tout à fait passionnant. Et la grande chance, effectivement, c'est que ce soit découvert en contexte archéologique et qu'on puisse donc raisonner, même si ça pose beaucoup de problèmes, sur les conditions d'enfouissement. Il en manquerait combien de pièces ? Combien il en manque, on ne sait pas. On sait qu'il y en a 48. Malheureusement, la tranchée des années 60 passe au milieu de la plus grande concentration de pièces. Peut-être autant, c'est pas exclu. Un trésor d'une centaine de pièces, ça se trouve, c'est attesté. Voilà, ça représente des sommes très importantes. Hein. 48 pièces d'or, ça représente 5 ans de solde d'un légionnaire à l'époque julio-claudienne, un aureus. Certaines estimations permettent de penser qu'on vit un an avec un aureus. Donc dans l'Antiquité. Donc ce sont des sommes tout à fait considérables qui sont conservées ici. C'est aujourd'hui un cas unique pour cette période si charnière, le passage de la République à l'Empire romain, c'est bien ça ? Ah oui, c'est un moment tout à fait passionnant, c'est un moment qui est très travaillé parce qu'on a beaucoup de sources littéraires et ça suscite beaucoup l'intérêt des historiens depuis très longtemps. Mais c'est un moment aussi très intéressant, non seulement sur l'histoire politique, mais aussi sur l'histoire monétaire, parce que c'est le moment où se met en place le premier monnayage d'or impérial, proprement dit. Hein. C'est César qui installe le numéraire d'or dans le système monétaire romain, avec les premières frappes d'une certaine importance. Jusque-là, les monnayages d'or sont sporadiques. Et puis ensuite, la chose est systématisée par son successeur Auguste, après des expériences triumvirales, et ça ne quittera plus le système monétaire impérial. Donc là, c'est vraiment un trésor qui documente la naissance du monnayage d'or occidental, en fait. Hein, un premier monnayage d'or à l'échelle de l'Empire. Les plus anciennes datent de 46 avant c'est notre ça. Ère. Les plus anciennes datent de 46, elles sont en petit nombre, 4. Ce sont des monnaies qui ont été probablement frappées en relation avec les triomphes de César de 46. Les plus récentes ? Les plus récentes sont de 27. Alors elles sont très faciles à dater parce qu'elles portent des dates consulaires. La mention du 7e consulat d'Auguste, qui est en 27, donc une année tout à fait importante, puisque c'est l'année où Auguste devient lui-même, quelque sorte, puisqu'il reçoit du Sénat ce surnom Auguste. Et donc il y a une émission monétaire relativement réduite. D'ailleurs, on ne connaissait pas énormément d'exemplaires. On en a deux dans le trésor. Et donc ce sont les monnaies qui ferment le trésor. À l'heure actuelle, parce qu'on ne connaît pas exactement la composition initiale, il y avait peut-être des monnaies plus tardives, j'en doute un peu, à vrai dire. Et voilà, donc on a cette fermeture du trésor sur ces deux monnaies de 27. Donc c'est un ensemble clos et qui est cohérent. C'est un ensemble cohérent, mais c'est un ensemble qui présente des particularités dans sa structure. Parce qu'il commence avec César, effectivement, avec les monnaies de 46, qui sont normalement des monnaies très abondantes. On en a un petit nombre, et en revanche, on a un nombre beaucoup plus important de monnaies plus tardives, qui sont pourtant plus rares. Donc on a le sentiment que ce trésor a été constitué de manière assez tardive, à la fin des années 30, peut-être dans une ambiance, c'était très intéressant parce que c'est l'ambiance d'Axiome en réalité, hein, l'ambiance de la grande bataille entre Antoine et Cléopâtre d'un côté et Octavien qui deviendra Auguste de l'autre. Donc c'est vraiment un ensemble qui parle à l'imagination, d'autant plus qu'à l'intérieur même du trésor, il y a des éléments qui sont tout à fait suggestifs comme certaines raretés. Quelle est l'iconographie en général qui est traitée ? Un portrait, bien sûr, d'un côté, alors, et puis de l'autre côté, par exemple, des victoires, ce genre alors, de choses ? Le portrait n'est pas systématique. Il est systématique sur les séries les plus tardives, les séries d'Octavien, cette série relativement rare, mais qui est très représentée dans le trésor, par plus de 20 monnaies, les séries qu'on appelle Imperator Caesar ou Caesar Diwifilius. Et là, effectivement, la solution graphique, c'est normalement un portrait d'Octavien au droit, et puis une scène de revers qui peut varier. Ça peut être une victoire, ça peut être un quadrige. Le portrait du prince n'est pas omniprésent parce que vous y avez aussi une monnaie qui représente l'Artémis, hein, enfin la Diane romaine, mais c'est Artémis parce que c'est un portrait qui est imité des séries grecques, notamment d'Éphèse, et un temple de l'autre côté. Donc c'est pas forcément le portrait du prince qui est présent sur toutes les monnaies. On pensait que certaines de ces pièces pouvaient venir d'Orient. Alors, certaines de ces pièces viennent d'Orient. Alors, c'est intéressant parce que les séries les plus abondamment représentées, celles d'Octavien, on a hésité pendant longtemps à les attribuer à l'Orient. Les numismates, depuis quelques décennies déjà, considèrent qu'elles sont plutôt occidentales. Et l'apport du trésor de Martigues, c'est que on a un ensemble relativement homogène, enfoui en Occident. Et je crois que ça tranche définitivement la question. On a désormais un argument d'ordre archéologique pour dire que ces monnaies sont bien des monnaies frappées en Occident. En revanche, dans le trésor, on a aussi quelques raretés dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elles, viennent incontestablement d'Orient, puisque ce sont des monnaies frappées par Antoine. Il y en a trois oreilles d'Antoine. Alors, les oreilles d'Antoine, ils sont pas rares en Occident. Hein. On en trouve dans les fouilles, on en trouve dans les trouvailles, assez rarement dans les trésors qu'on pouvait avoir, mais on en trouve quand même. Et là, on en a trois d'un coup. Des monnaies d'or représentant les légions d'Antoine, faisant allusion aux légions d'Antoine, et puis une monnaie d'or tout à fait étonnante aussi, qui était bien connue, mais enfin, dont on n'a pas beaucoup d'exemplaires, qui représente Antoine, et puis sur l'autre côté de la monnaie, son fils aîné, qui aura un destin particulièrement tragique. Qui finira mal, visiblement. Il finira mal, puisqu'il sera décapité sur ordre d'Octavien. Sur les monnaies que l'on a, la monnaie de Martigues, qui est malheureusement très abîmée, mais on a un portrait d'un jeune garçon qui a 11 ans, et on sait qu'il ne dépassera pas ses 13 ans. J'imagine que vous avez aussi fait un inventaire de ces pièces, par exemple d'Octavien, futur premier empereur, Auguste. Elles étaient connues à combien d'exemplaires en général ? Oui, alors on avait plusieurs historiens qui avaient travaillé sur ces séries, un dans les années 30 et un dans les années 70, un Allemand et puis un Anglais, et ils avaient réuni à peu près 80 monnaies d'or de cette série. Hein. Je parle uniquement de la série d'Octavien Tardive. Et donc vous voyez, 80 monnaies, c'est pas beaucoup. 26 monnaies d'un coup qui viennent du trésor de Martigues, ça fait exploser d'une certaine façon la documentation. Et le trésor de Martigues va avoir aussi un impact sur notre connaissance de ce monnayage pour cette raison, c'est-à-dire qu'il nous donne un ensemble homogène, il augmente considérablement la documentation et il va nous permettre de mener une étude technique sur le trésor dans de bonnes conditions. C'est-à-dire on va pouvoir, par exemple, repérer les coins, les comparer avec les monnaies qui sont dans les grandes collections nationales ou qui sont passées sur le marché et donc, à terme, avoir une connaissance fine et globale de ces séries-là qui peut-être même nous permettront de risquer des quantifications, c'est-à-dire on pourra estimer l'ensemble des monnaies produites au départ et leur valeur. Donc ce n'est pas le quotidien du numismate. C'est d'ailleurs quoi le quotidien du numismate ? Alors vous parliez de la chance en archéologie. Là, je dois avouer qu'il faut bien, accepter que la chance existe en numismatique, parce que le numismate, il n'a pas toujours le bonheur d'avoir ce genre de documentation à se mettre sous la dent, si l'on peut dire. Parce que là, on a quelque chose d'extraordinaire. Normalement, le numismate, il reprend des séries connues, où il travaille sur une documentation archéologique, souvent ingrate. Il fait un travail fondamental qui permet de connaître les choses en détail. Mais quand il a quelque chose d'aussi excitant qu'une découverte comme ça d'un ensemble nouveau de monnaies d'or, eh ben, il est tout à fait content. Et d'autant plus content que ça va lui permettre même de réfléchir sur la notion de trésor. Est-ce que cet ensemble si particulier est même un trésor ? Ça reste à déterminer. Alors, je vous demandais la question parce que je suis sûr que certains auditeurs se la posent. Cela vaut combien aujourd'hui ? Alors, c'est très difficile à dire. D'une part, parce que, comme l'a dit M. Chausserie-Lapré tout à l'heure, les monnaies sont abîmées, donc ça affecte naturellement leur valeur. Mais il y a de très grandes raretés. Bah, par exemple, la monnaie d'Antoine avec son fils au revers dont je vous parlais, elle a été un bon exemplaire qui est passé en vente cette année, en 2015, a été estimé 60 000 francs suisses. Voilà. Mais en parfait état. Quand aurait-il été assemblé, et surtout par qui ? Un riche marchand, mais un soldat, un vétéran ayant participé à quelques conquêtes ? Oh ben c'est ce qu'on a envie de dire, évidemment. Le marchand, on a du mal à y penser, parce que ça implique une concentration d'ordre économique à laquelle je ne crois pas dans ce contexte précis. Les paiements monétaires sont plutôt lié à des questions d'ordre militaire. Et vu l'ambiance des guerres civiles, effectivement, on a plutôt le sentiment que c'est un ensemble constitué dans un cadre militaire, d'autant plus que la cohérence des séries d'Octavien, qui sont rares, semble signaler qu'on n'est pas très loin d'une distribution massive telle qu'il a pu en avoir, par exemple, en 30 à Brinde ou en 29 même, dans le cadre des triomphes d'Octavien. Jean Chausserie-Lapré, Arnaud Suspens, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous évoquerons le vin antique. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Chatelus, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.